boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ce soir, Pop & Rock a gratté, cherché dans ses fonds de tiroir pour concocter ce 133e numéro qui s'est ouvert avec les Bataves de Kayak que j'ai découvert par la sortie de leur 19e album il y a quelques semaines. Par contre, RVG, le Remy Verger Group, voilà quelques mois que je les écoute. Help Somebody tout de suite sur RVR avec l'androgyne le moins connu qui nous emmène avec RVG. We'll be right back. pretending not to rot. And I don't wanna talk about what's fascist and what's not. I gaze into hell to admire its flaws. Or I could spend my life on a worthwhile cause. I just wanna help somebody. I don't wanna be me anymore. And the rules of the game, they have changed. Just being nice ain't good enough these days. You felt big, calling everybody's bluff. But now the sky is falling, enough is enough. I just wanna help somebody. I don't wanna be me. Be all. Ce soir, on se promènera dans tes titres récents, on ne se privera pas de quelques oldies but goldies qui peut-être ne vous plairont pas, qui peut-être vous raviront, mais l'important c'est de ne pas être enfermé ou obtus. Alors tout de suite, fonçons vers les belles stars qui en 1983 chantaient Sign of the Time. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. Without you. I sit alone now, wondering peu près à la même époque, dans les fonds des clubs américains, le dénommé Jeff Hallyplus ouvrait la porte punk aux States. Il saura, malgré la fulgurance de sa vie, inspirer nombre d'artistes et parmi eux, un certain Bertrand Cantat. On écoute Jeff Hallyplus avec son groupe The Gun Club, avec le morceau She Likes Heroin to Me. Et oui, vous êtes bien dans Pop and Rock sur la très locale Radio Val de Rhin. Lundi de 17h à 18h, retrouvez-nous dans Pop and Rock sur RVR. We'll be right back. Décidément, l'année 83 fut riche et pas qu'au niveau musical. Il faudra d'ailleurs que j'y consacre tout un pop and rock. Mais revenons à nos moutons. À l'instant, ce sont les Irlandais de Watcho Boys qui, en 83, hurlaient leur Girl Girl Johnny. Quelques décades plus tard, The Chorale chante Something Inside of Me. Something inside of me feels like I've been wanting you forever. Never be another century. No time to think about the weather. When there's something inside of me, something inside of me, something inside of me, and now I can't look back. The invisible invasion, it's like a stranger strangled on the wall. To the void, but now I'm gone. 5 in the morning, I'll be knocking at your door. Something inside of me, something inside of me, something inside of me, and now I can't look back. I'm bulletproof. Can you see that it's hurting me? What you think I'm supposed to be when something inside of me feels like I'll be wanting you forever. Never be another century. There's no time to think about the weather. When there's something inside of me, something inside of me, dans les fonds de tiroir de pop and rock, il y a quelques classiques, pas mal de oldies but goldies, mais également quelques groupes que vous risquez de ne pas écouter sur les grandes radios dites périphériques. C'est le cas de Lane, des Linskys ou encore de Tinia, qui constituent la seule triplette du soir. Non Nida, pas celle de Belleville. Continue. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les émissions de Pop'n Rock sur la page Facebook de Pop'n Rock, les petits enfants du rock. Lane, les Lanskys et Tinia, nous étions indubitablement et sans concession au 21e siècle. Oui, mais voilà, dans Pop'n Rock, on adore le 20e siècle, notamment grâce à Lloyd Cole et ses commotionnés. I'm all alone now. still of your room, and the big snakes crawl through the smoke and perfume. To be your baby, I will not be your man, will not be a rat. When you fall, I'll be your daddy. Mais pourquoi choisir entre 20e et 21e siècle quand certains groupes passeront allègrement de l'un à l'autre? R.E.M., The One I Love. Thank you. you got that way. Those teenage excursions and midnight diversions now fall into disarray. So baby, you're off the hook. You got a face like an open book. Those orgies of pleasure and satin and leather, oh yeah, you have the look for sure, baby. En vieille roqueuse au cuir tanné, y a pas que Patti Smith, y a aussi Suzy Quattro pour la caution féminine dans Pop and Rock. D'ailleurs, dans le groupe qu'on va écouter tout de suite, les Smashing Pumpkins, je crois aussi qu'il y a de la donzelle. Yumiatix avec Nice to Me, le seul titre de ce groupe Britpump que je trouve à peu près intéressant. Alors oui, je sais, là vous allez dire, le gars, il se la joue, il se la pète, il n'aime, et encore pas toujours, que les groupes que personne ne connaît. Là, je dis faux. La preuve, écoutez. I won't tell you again. Les fonds de tiroirs sont pas encore complètement raclés, mais on y reviendra dans quelques temps, ça c'est sûr. On se quitte avec Manchester Orchestra, le groupe fétiche de pop and rock pour l'année 2020. Le titre c'est Virgin, et sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Never gonna be the same.